ceux qui croient que le bourreau Roux a commis quelque maladresse paraissent être dans l'erreur. L'exécution de Tapner n'a rien que de simple. C'est ainsi que cela doit se passer. Un nommé Towell a été pendu récemment par le bourreau de Londres, qu'une relation que j'ai sous les yeux qualifie ainsi. Le maître des exécuteurs, celui qui s'est acquis une célébrité sans rivale dans sa peu enviable profession. Eh bien, ce qui est arrivé à Tapner était arrivé à Towell. On aurait tort de dire qu'aucune précaution n'avait été prise pour Tapner. Le jeudi 9, quelques zélés de la peine capitale avaient visité la potence déjà toute près dans le jardin. S'y connaissant, ils avaient remarqué que la corde était grosse comme le pouce et le nœud coulant gros comme le poing. Avis avait été donné au procureur royal, lequel avait fait remplacer la grosse corde par une corde fine. De quoi donc se plaindrait-on ?